sens si seul depuis que tu n'es plus là. Je n'aurais jamais pensé passer ma vie sans toi. Je me sens si seul depuis que tu n'es plus là. Est-ce qu'avant de partir tu as pensé à moi? Le début de notre histoire était digne d'un conte de fées. Tu m'as redonné espoir en devenant ma moitié. Tu es tout ce que j'espérais, j'ai du mal à y croire. Mais grâce à ton amour, je n'avais plus les idées noires. Je t'appartiens, tu es ma femme. Je ne désire rien d'autre que toi. Je prie le sein de toutes mes larmes, mais il ne se passe rien et j'en perds la foi. Je me sens si seul depuis que tu n'es plus là. Je n'aurais jamais pensé passer ma vie sans toi. Je me sens si seul depuis que tu n'es plus là. Est-ce qu'avant de partir tu as pensé à moi? Nous sommes à peine mariés que toi tu me laisses tomber. Tout est arrivé si vite que je n'ai rien pu préparer. Je sens que je vais sombrer, qui pourra me sauver? J'ai atteint les limites qu'un homme puisse endurer. Je t'appartiens, tu es ma femme. Je ne désire rien d'autre que toi. Je prie le sein de toutes mes larmes, mais il ne se passe rien et j'en perds la foi. Je me sens si seul depuis que tu n'es plus là. Je n'aurais jamais pensé passer ma vie sans toi. Je me sens si seul depuis que tu n'es plus là. Est-ce qu'avant de partir tu as pensé à moi? Mon téléphone sonne, je reçois un appel et la voix qui résonne n'est pas une bonne nouvelle. Je sens que je frissonne, on me parle de ma belle. Je me guette, qu'y en est sans rêve ou réel. Une victime de plus, dans les bras qui tu tues. Agressée en pleine rue, et personne n'a rien vu. Tu sais qui toutes ses larmes, à chaque de l'âme. Et personne ne s'alarme, alors qu'on tue ma femme. Je me sens si seul. Je ne peux plus vivre ainsi. Je me sens si seul depuis que tu n'es plus là. Je n'aurais jamais pensé passer ma vie sans toi. Je me sens si seul depuis que tu n'es plus là. Est-ce qu'avant de partir tu as pensé?